93.5 de Radio Clapas, parole est donnée au collectif La Boussole. Accompagnement des personnes en situation de précarité avec accès au sport, à la culture et à la citoyenneté. À l'initiative de travailleurs sociaux exerçant dans le secteur associatif, Clapas donne la parole à ses acteurs. L'article 140 du 29 juillet 1998 prévoit que l'égal accès pour tous tout au long de la vie à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un objectif national. Bonjour et bienvenue dans l'émission de l'association La Boussole. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la question des demandeurs d'asile. Et pour parler de ce sujet, nous avons plusieurs invités dans les studios de Radio Clapas, dont je vais vous présenter. Je vais commencer par Abbas Madjaliwa, bonjour. Ah oui, bonjour. Qui viendra nous parler un petit peu de son parcours, de son parcours tout simplement de demandeur d'asile. Donc nous sommes aussi avec Françoise Dubourg, bonjour et merci d'être dans notre studio. Vous êtes coprésidente du groupe local de la CIMAD. Bonjour Isabelle Decoux aussi, qui est chef de service du CADA Astrolab de l'association ADAGE à Montpellier. Bonjour. Bonjour et merci d'être présente. Vous viendrez nous parler aussi d'un peu les CADA, donc centre d'accueil et de demandeurs d'asile. Et enfin Thomas Richaud, qui est travailleur social dans un CADA sur Montpellier. Bonjour Thomas. Bonjour. Qui viendra aussi lui nous parler un peu du quotidien et du travail au sein des CADA. Donc avant de commencer les échanges sur la question des demandeurs d'asile, nous avons réalisé un petit micro-trottoir sur Montpellier il y a de ça quelques jours. On a été à la rencontre des personnes pour leur poser trois questions, tout simplement. On voulait un petit peu avoir une vision de quelle image pouvaient être les demandeurs d'asile. Donc on a été les rencontrer pour leur demander tout simplement qu'est-ce que pour eux un demandeur d'asile. D'après eux, d'où viennent-ils et pourquoi sont-ils en France? Et enfin, la dernière question, c'était de savoir un peu s'ils connaissaient les droits des demandeurs d'asile en France. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on écoute ce petit micro-trottoir et ensuite on réagira ensemble aux différentes réactions du public rencontré. On écoute ça tout de suite. Donc, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci de répondre à nos questions. Juste quelques petites questions sur les demandeurs d'asile. Oui. Est-ce que vous savez d'abord qui sont les demandeurs d'asile? Oui, enfin les demandeurs d'asile, au sens où moi je l'entends, peut-être que je peux me tromper. Ce sont les gens qui fuient des pays dans la mesure où ils risquent de mourir dans le pays où d'où ils viennent. D'accord. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse. C'est une réponse, en tout cas, qui est pas mal. Voilà. Et d'après vous, d'où ils viennent un peu ces demandeurs d'asile? En général, d'après ce que je sais, ils viennent essentiellement du Moyen-Orient et de certains pays d'Afrique qui sont dans un état de délabrement intégral dans le domaine économique et aussi dans le domaine politique, comme le Soudan, pour des choses de cet ordre-là. C'est l'enfer sur la terre. Et est-ce que vous avez une idée des droits en France pour les demandeurs d'asile? Oui, enfin, une idée. Dès l'instant qu'ils sont, à mon avis, reconnus clairement comme demandeurs d'asile, je crois qu'on ne peut pas les expulser. Je crois, mais je n'en suis pas sûr. Oui. Mais en tout cas, je vous remercie. Voilà, c'est tout. Simplement. Ouais, c'est tout. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, nous sommes avec deux étudiantes de Montpellier-Rennes. Une petite question sur les demandeurs d'asile. Qu'est-ce que pour vous les demandeurs d'asile? Moi, je dirais, c'est les gens qui viennent de pays aux conditions mauvaises pour eux, par exemple en guerre ou où ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins dans ces endroits. Et ils demandent d'avoir l'asile en France ou dans d'autres pays pour être logés et pouvoir vivre. D'accord. Et est-ce que vous savez à peu près d'où ils viennent, les demandeurs d'asile? Souvent des pays en conflit. Alors après, je ne sais pas trop, mais il y a les pays plutôt pas très développés, type la Syrie. Les pays en bas de chez nous, plutôt. D'accord. Et est-ce que vous avez une idée un peu sur les droits que peuvent avoir les demandeurs d'asile en France? Non, mais moi je dirais qu'ils n'ont pas beaucoup de droits en ce moment parce que c'est dur d'avoir droit d'asile en France. Du coup, je ne sais pas quel droit ils quel droit ils ont, mais pas beaucoup. Mais ils peuvent, je sais pas trop s'ils peuvent demander les papiers ou demander un travail, mais il me semble qu'ils peuvent demander les papiers, mais je suis pas du tout sûre, je suis pas trop au courant de ça, donc bon. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce que pour vous les demandeurs d'asile ? Eh bien, étant donné les événements, ce sont des personnes qui viennent chercher un peu de réconfort dans notre pays, qui est assez tranquille quand même, entre parenthèses, hein, voilà. Et est-ce que vous avez une idée d'où viennent les demandeurs d'asile ? Oh ben, en général, il y a des Syriens, il y a quand même quelques pays dont on parle beaucoup. Et vous avez une idée des droits qu'ils peuvent avoir en France ? On en entend parler, mais je ne suis pas tellement dans ce domaine parce que, vous savez, il faudrait être confronté à, je sais pas moi, à la mairie de Montpellier, par exemple, je ne sais pas ce qu'on leur offre. Hein, d'accord. Je sais pas, étant donné que moi, je ne suis pas Montpellier. Hein, alors. Bon, en tout cas, on va voir si madame. Je vous en prie. Bonjour, monsieur. Donc, quelques petites questions sur le demandeur d'asile. D'après vous, qu'est-ce qu'un demandeur d'asile ? C'est quelqu'un qui son pays, d'accord. Et d'après vous, est-ce que vous avez une idée d'où ils viennent et pourquoi ils viennent en France ? C'est pas économique, social, où ils viennent. D'accord. Et des idées de pays d'où ils peuvent provenir ? D'accord. Et est-ce que vous avez une idée des droits auxquels ont droit les demandeurs d'asile en France ? C'est pas du sol, donc je pense que les droits les mêmes que nous. D'accord. Et merci beaucoup en tout cas. Bonjour. D'après vous, qu'est-ce que les demandeurs d'asile ? Bah, ce sont des gens qui n'arrivent plus à vivre dans leur pays, qui ont besoin d'aide et donc qui se retournent vers nous pour justement pour cette aide, pour qu'on les accueille et qu'ils puissent continuer à vivre. Et est-ce que vous avez une idée de quels pays ils peuvent venir et pourquoi ils viennent en France ? Alors moi, je pense que c'est principalement les pays en guerre. Je pense déjà qu'ils essaient de venir parce qu'ils fuient la guerre. Mais je pense aussi les personnes qui viennent, on croit que c'est beaucoup des personnes de la basse société de là-bas, mais je pense qu'ils sont comme nous. Il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de docteurs, parce qu'il faut les sous pour venir ici. Et je pense qu'ils cherchent juste à travailler et à fuir la guerre dans leur pays. Quoi. Merci. Et d'après vous, quels sont leurs droits en France ? Je sais pas vraiment, mais c'est que de toute façon, ils veulent pas y rester. C'est pas leur... Le lieu dans lequel ils veulent aller, c'est passer en Allemagne ou en Angleterre. Et je sais que il y a eu un scandale à un moment sur la lettre qui a été envoyée au président, là, sur les gamins qui se faisaient gazer à Calais. Mais je pense qu'ils ont le droit à des cartes aussi, non ? Des cartes pour vivre. Je crois qu'ils ont 10 euros par jour, un truc comme ça. C'est tout ce que je sais aussi. Ah non, je sais pas du tout. Merci beaucoup, en tout cas. Donc, bonjour, monsieur. D'après vous, qu'est-ce que les demandeurs d'asile ? Alors, un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui vient d'une région extérieure à la France et qui a besoin de protection, quelque sorte, parce que chez lui, il n'a pas des conditions de vie, on va dire. Voilà. Et c'est qu'il est en danger, plus ou moins, chez lui. Et est-ce que vous avez une idée des pays d'où proviennent les demandeurs d'asile et pourquoi en France ? Je pense que c'est surtout ce qu'on appelle le Moyen-Orient, peut-être une partie de l'Afrique, du nord de l'Afrique, peut-être, ou l'Afrique subsaharienne aussi. Et puis, pourquoi en France ? La France, d'abord, c'est un pays d'Europe. L'Europe, c'est une région quand même assez favorisée. Et puis, la France, c'est un lieu de passage pour aller vers l'Angleterre pour beaucoup de gens qui viennent de pays plus comme l'Afghanistan ou le Pakistan. Pas le Pakistan, mais l'Afghanistan. Plus que ça comme ça. Et est-ce que vous avez une idée des droits pour les demandeurs d'asile en France ? Les demandeurs d'asile en France, leurs droits, j'ai assez pris des droits. Je pense qu'il y a ceux qu'on appelle les réguliers et les irréguliers. Quoi. Donc les réguliers, ce sont ceux qui passent par des voies officielles, qui ont des papiers, qui ont des autorisations pour une certaine durée, on va dire. Et tous les autres, c'est les irréguliers. Quoi. Qu'on parque plus ou moins dans des genres de camps, un peu comme le Québec, et qu'on essaye de rejeter à l'extérieur. Et merci beaucoup. Moi, je vous en prie. Donc voilà, on vient d'écouter un petit micro-trottoir donc réalisé il y a de ça quelques jours sur la Comédie. Donc on entend beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des réactions suite à ce que vous venez d'entendre des personnes? Madame Dubourg? Ben, globalement, effectivement, ce qui ressort, c'est une connaissance pas si mauvaise des pays de provenance. La distinction entre, là aussi, les migrants qui fuient la guerre et les migrants qui fuient la misère ou les dictatures, enfin bon, bref. Donc deux catégories. Mais j'ai été quand même agréablement surprise par un certain niveau de connaissance des migrants. Alors évidemment, on n'est pas rentré dans le vif du sujet, à savoir quels sont leurs droits par rapport aux Français notamment, puisque... Mmh. Il va de soi que beaucoup de gens croient qu'ils ont accès à tous les droits sociaux, comme tout Français qui réside normalement en France. C'est sûr. Et ce n'est pas le cas. Et c'est ce qu'on va vous démontrer, notamment dans cette émission. On rentrera par la suite plus en détail sur le parcours d'un demandeur d'asile et leurs droits. D'autres réactions éventuellement sur ce qui a pu être dit. Voilà, moi j'ai entendu des choses régulières, pas irrégulières. Les personnes de la basse société, la ceinture métallique, le droit du sol. Enfin voilà, il y a pas mal de... C'est vrai qu'on a senti les gens parfois un peu gênés, même de répondre. On sentait qu'il y avait aussi un peu une appréhension de pas dire de bêtises ou de choses comme ça par rapport à cette question-là. Des connaissances, c'est vrai, sur la provenance des pays. Mais c'est vrai qu'en termes de droits ou de choses comme ça, c'était plutôt intéressant de voir qu'effectivement, tout se mélangeait et que les choses n'étaient pas très claires. Isabelle, je vous écoute. Oui, moi j'ai été agréablement surpris aussi, puisque la majeure partie des personnes disent quand même, donnent pas une définition très précise, mais disent quand même que c'est des personnes qui ont fui leur pays parce qu'elles ont subi des persécutions ou des pays en guerre, donc qui ont quand même une idée de ce qu'est un demandeur d'asile. Mmh. Après, effectivement, où il y a du travail d'information à faire encore, c'est plus sur quels sont leurs droits en France, qui effectivement n'a rien à voir avec le droit d'un Français lambda. Est-ce qu'on verra plus tard? Toi, bah, c'est pareil, est-ce que d'entendre sur ce que disent les personnes, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise ou pas? Oui, normalement, il y a des choses qui m'ont surpris. Il y a ceux qui ont pas mal de connaissances sur le demandeur d'asile, mm-hmm. et ceux qui n'en ont pas, vraiment, ce n'est pas de leur faute, parce qu'ils ne sont pas informés. C'est sûr. Ouais. Et donc on est là, entre autres, pour pouvoir les informer. Ouais. Et d'ailleurs, on va rentrer, on va faire une petite pause musicale, d'un morceau d'ailleurs que Abbas nous a choisi. Ouais. Et ensuite, on pourra commencer à rentrer un peu dans le détail, notamment avec Madame Dubourg, sur les droits des demandeurs d'asile. Qu'est-ce qu'un demandeur d'asile? De vous donner un petit peu quelques définitions. Et puis Abbas aussi nous présentera un petit peu son parcours. Donc je vous propose une petite pause musicale donc avec l'artiste du Congo, Fally Ipupa. Ouais. Et le morceau s'appelle Essengo, ouais. qui veut dire « joie ». La joie, oui. Alors on écoute ça et on se retrouve après. Ah, Ikasso, Bonoma, Bonoma, Bonoma, Ikasso, Benga mama, benga papa, benga papa, benga papa, benga chérie, benga bébé, Kinshasa derrière moi, on va célébrer. La vie est panoramique, j'y suis arrivé, maillé. N'ai jamais baissé les bras, n'ai jamais fatigué. Y'a l'assis sur le banc que je m'éternisais. Andalouma derrière moi, on va célébrer. Avant de le faire, je dis je le ferai. Là-bas j'irai, je reviendrai. Maman, papa, boutique en aïe. Famille, n'aïe, mon père, c'est moi. Chacune de nos actions deviennent mémorables. Jusqu'où va l'horizon, contrôle le territoire. Aucune montagne n'est insurmontable. La force qui va m'arrêter n'existait pas. On est ensemble, on ne l'est pas. La gloire et la grâce, toujours avec moi. Ils veulent tous devenir stars, mais avec un talent. Ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail. Basé Wabi. Donc on vient d'écouter Fally Ipupa et le morceau qui s'appelle Essango, choisi par Abbas. Donc on a écouté tout à l'heure un petit micro-trottoir pour avoir un peu une vision de ce que pouvait penser le grand public, on va dire, des demandeurs d'asile, de ce qu'ils pouvaient en connaître. On a pu s'apercevoir qu'il y avait des connaissances, mais que voilà qu'elles étaient quand même à approfondir. Et on est notamment là pour ça, notamment avec Madame Dubourg de la CIMADE. Donc pour rentrer sur des choses assez simples, est-ce que vous pouvez nous donner une définition d'un demandeur d'asile ? Alors un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui a fui son pays à cause des persécutions dont il était victime lui-même et qui, en référence à l'article 1 de la Convention de Genève, donc est persécuté à cause de sa race, à cause de sa religion, à cause de ses idées politiques, mais aussi à cause de son appartenance à un groupe social. Ça, c'est relativement récent. Et par groupe social, on entend, on pense au cas des homosexuels, par exemple, mais également aux jeunes femmes nigérianes qui, au Nigeria, sont victimes de traite des êtres humains, notamment dans certaines provinces du Nigeria, traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Donc ça, c'est relativement récent aussi. Ça a été assimilé à un groupe social. Donc vous voyez que c'est assez large, mais ça concerne des persécutions personnelles qui concernent un individu. Donc là, ces personnes-là, si elles sont acceptées à... Si leur demande d'asile est acceptée, donc par l'OFPRA ou l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés apatrides, de protection des réfugiés apatrides, et l'instance de recours qui est la Cour nationale des demandeurs d'asile, la CNDA. Donc si leur demande est acceptée, ces personnes auront le statut de réfugiés, donc avec l'attribution à, très rapidement, d'une carte de 10 ans. Au-delà de cette définition qui concerne un individu, il y a également la protection qui peut être accordée à titre subsidiaire dans les cas où on fait référence notamment à l'article 3 de la Convention européenne qui prévoit que, par exemple, dans les situations de guerre, c'est pas un individu qui est... l'individu n'est pas concerné directement par la situation de guerre, mais c'est l'ensemble du pays qui fait que les personnes quittent ce pays et vont demander l'asile ailleurs. Donc la protection qui leur est accordée à ce moment-là est une protection temporaire, on va dire, tant que les conflits perdurent. Donc ça, c'est un exemple de protection subsidiaire. Par exemple, les Syriens ont très souvent la protection subsidiaire, s'ils n'ont pas fait la preuve qu'ils étaient persécutés directement eux-mêmes. Donc il y a également le cas de personnes qui ont été victimes. Par exemple, je pense aux Albanais. C'est quand même la première nationalité demandeuse d'asile en France. Donc il y a des problèmes de vendetta en Albanie, de règlement de compte entre familles, avec effectivement des morts. Voilà. Donc ça peut être... Si on arrive à prouver qu'on est victime de ces règlements de compte, on peut avoir la protection subsidiaire. Et d'ailleurs, sur cette protection subsidiaire, vous dites donc c'est s'il y a un conflit. Et si le conflit s'arrête ? Si voilà. La situation se règle dans le Exactement. Pays ? Exactement. Donc la protection subsidiaire, elle est accordée pour un an, renouvelable, jusqu'à ce que la situation change. Si effectivement il n'y a plus de guerre, à ce moment-là, on peut retirer la protection subsidiaire. Et qui est-ce qui décide au bout d'un an de dire, de faire le constat si oui ou non dans le pays il y a encore un danger, il y a encore une guerre ? Qui statue là-dessus ? C'est au niveau de l'OFPRA. D'accord. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides. D'accord. C'est eux qui étudient. C'est eux qui, évidemment, ils sont en Ils ont une documentation très très précise, mais enfin, il n'y a pas que. Hein. Le jour où la guerre sera terminée en Syrie, je pense que tout le monde le saura, et ce n'est pas pour demain. Ouais. Donc voilà, il y a une documentation au niveau de l'OFPRA et des officiers qui reçoivent les demandeurs d'asile, une documentation précise sur chaque pays, et une formation des officiers aussi à la connaissance de ces pays. Et d'ailleurs, est-ce que vous pourriez rentrer un petit peu plus en détail sur vraiment le parcours de la personne, à partir du moment où on verra tout à l'heure avec Abbas un peu comment on arrive ici, mais à partir du moment où la personne elle est sur le territoire, voilà, comment ça se passe pour elle, qu'est-ce qu'elle a concrètement à disposition, vers qui elle doit aller se renseigner? Alors, c'est un peu le parcours du combattant, il faut bien reconnaître, mais lorsqu'un exilé, on va dire, un migrant, hein, là aussi il faudrait revenir sur les définitions, arrive en France, s'il est arrivé à passer la frontière, parce que pour ceux qui arrivent d'Italie ou d'Espagne, c'est pas toujours évident. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé dans la vallée de la Roya, où régulièrement, et aussi au niveau de la frontière du côté de Briançon, où tous les jours, on refoule des gens et on s'assoit sur le droit, puisque toute personne a le droit de venir déposer une demande d'asile en France. Mais si on les rejette dès la frontière, ce n'est pas possible. Voilà. La personne qui arrive en France, donc, doit passer par ce qu'on appelle la PADA, la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, pour dire, voilà, je veux déposer une demande d'asile. À ce moment-là, cette personne est reçue pour un bref inventaire de son parcours et de son état civil. Et c'est la PADA qui prend rendez-vous à la préfecture au guichet unique des demandeurs d'asile, c'est-à-dire le GUDA. Donc, les délais qui étaient prévus par la loi, c'était 3 jours entre le moment où ils étaient reçus à la PADA et le moment où ils passaient à la préfecture. Donc 3 jours minimum, mais c'était 11 jours maximum. Actuellement, sur Montpellier, on est à peu près à 1 mois pour avoir un rendez-vous à la PADA et 15 jours de plus pour passer au GUDA. Donc voilà les délais actuels. Donc quand ils passent devant le GUDA, le guichet unique, à ce moment-là, on leur prend les empreintes. C'est le personnel de la préfecture qui prend les empreintes et qui, grâce à un fichier Eurodac, un fichier informatique qui relie tous les pays de la zone Schengen, voit si cette personne est passée par un autre pays avant d'arriver en France. Et c'est là où le règlement Dublin intervient, c'est-à-dire qu'à partir de là, la préfecture va dire « c'est la France qui est en charge de votre demande » ou c'est l'Italie, ou l'Espagne, ou la Hongrie. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, s'ils s'aperçoivent que ce monsieur, avant d'arriver en France, il est passé par l'Italie, on va dire « non, c'est pas la demande d'asile, c'est pas en France qu'il faut que vous la fassiez, c'est en Italie ». Tout à fait. Sauf qu'en Italie, quand il a débarqué du bateau qui les a sauvés des petits canaux qui coulaient, on les a bien souvent obligés à prendre les empreintes en leur disant que s'ils ne se laissaient pas prendre les empreintes, ils n'auraient pas le droit d'avoir des repas, d'être hébergés, etc. Donc il y a quand même une contrainte très forte. Et on considère que si on leur a pris les empreintes, c'est la condition première pour que la France rejette le dépôt de leur demande d'asile. D'accord. Donc si, au contraire, il n'y a pas d'empreinte dans un autre pays, c'est la France qui va traiter la demande. Et à ce moment-là, on leur remet un dossier OFPRA dans lequel ils vont faire leur demande. À partir de là, ils sont reçus par l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui gère toutes les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, c'est-à-dire l'hébergement, l'allocation de demandeurs d'asile et les soins. Voilà. La CMU, qui leur est attribuée à partir du moment où ils sont demandeurs d'asile. Il faut savoir que quand on leur remet la carte de l'allocation de demandeurs d'asile, il est marqué que cette carte c'est pas une carte avec un compte individualisé, ça ressemble à une carte bancaire, mais ça n'en est pas une, et elle n'est alimentée qu'entre 35 et 45 jours après la date de la remise. Hein. Pendant tout ce temps, c'est-à-dire le temps où ils attendent pour passer à la PADA, puis au GUDA, puis le temps que la carte soit créditée, donc on en est en gros à plus de 2 mois, hein, même 2 mois et demi. Donc pendant tout ce temps, il n'y a aucune prise en charge officiel, on va dire. Alors après, c'est, on se débrouille avec les associations pour l'hébergement, le SAMU, ça, ouais. Le 115, voilà. Bien sûr. Donc ça, c'est la réalité. Hein. Bah déjà, voilà, ça donne un peu une image claire sur un peu le côté parcours du combattant pour pouvoir obtenir des papiers et peut-être casser un peu les représentations qu'il peut y avoir sur le fait que, à partir du moment où on arrive en France, on peut bénéficier de pas mal de choses, comme on a pu entendre un petit peu dans le micro-trottoir, de personnes qui pensaient qu'ils pouvaient avoir les mêmes droits que les Français. Je voulais rebondir. Est-ce que Isabelle ou Thomas, vous avez des points à apporter sur ce qui a pu être dit par Mme Dubourg ? Moi, je pourrais juste ajouter peut-être que le nombre de demandeurs d'asile est de 100 000 pour 2017. C'est des chiffres donc officiels, évidemment, et qui a eu un peu plus, donc 17% de plus qu'en 2016, que les 5 pays d'où viennent les demandeurs d'asile les plus représentatifs sont avant tout l'Albanie, puis l'Afghanistan, le Soudan en troisième, l'Érythrée quatrième et la Syrie, et que... le taux de protection général, en fait, le nombre de gens qui réussissent à avoir le statut de réfugié, donc le nombre de demandeurs d'asile sur ces 100 000 qui sont donc protégés après par la France, est de 36%, donc un peu plus d'un tiers. D'accord, oui, ça donne une image un peu plus claire. Madame Dubourg ? Oui, moi je voulais aussi préciser quand même que une fois qu'on a fait ce tri... par rapport aux empreintes qui ont été prises ou non dans un premier pays de la zone Schengen, le taux des Dublinés, puisque c'est le terme consacré... Alors, qu'est-ce que vous appelez Dublinés ? Dublinés, c'est-à-dire qui relève du règlement de Dublin. C'est-à-dire qu'on va renvoyer dans le premier pays où on leur a pris les empreintes après avoir fait une demande de prise en charge ou de reprise en charge. La distinction entre les deux, c'est... la prise en charge, c'est on a juste pris leurs empreintes et c'est l'Italie, par exemple, qui va traiter la demande d'asile. La reprise en charge, c'est le cas d'un demandeur d'asile dont on a pris les empreintes, mais pour lequel la procédure de demande d'asile a été engagée en Italie. Et vu que la personne n'a pas eu d'informations ou bon, pour des raisons X ou Y, le demandeur d'asile a quitté l'Italie et est venu en France. Et à ce moment-là, on demande à l'Italie de reprendre le demandeur d'asile. Voilà, c'est la seule distinction. Donc un tiers des demandes déposées en France relèvent de Dublin. C'est-à-dire ce sont des gens qui, pendant 2 mois, voire plus, vont attendre avec une épée de Damoclès sur la tête pour savoir s'ils vont rester en France ou s'ils vont repartir. Sachant que l'Italie a quand même passé des accords avec des pays très recommandables tels que la Libye, le Soudan, voilà. Et les gens qui viennent du Darfour, notamment, quand on leur dit « vous allez peut-être repartir en Libye », inutile de vous dire que le stress qu'ils avaient déjà en arrivant ne fait que s'accroître parce qu'ils savent qu'ils risquent d'être renvoyés au Soudan et avec tout ce que cela comporte comme conséquence pour eux. Oui, et puis comme vous dites, hein, de prendre conscience que voilà, pendant cette période-là où il n'y a aucune prise en charge, et de prendre conscience de qu'est-ce que peut être la vie de ces personnes-là en France qui n'ont pas d'hébergement, qui n'ont pas de moyens de subvenir à leurs besoins. Alors il existe certes des associations, mais les personnes se retrouvent à la rue, à marcher toute la nuit pour trouver des endroits, pour se mettre à l'abri, parce que la rue c'est aussi dangereux. Donc voilà, c'est de bien prendre conscience de ce contexte-là, des personnes qui quittent leur pays parce que dans leur pays ils sont en danger pour arriver dans un autre pays où ils traversent aussi, ils se retrouvent aussi de nouveau en danger. Avant de passer au témoignage d'Abbas qui pourra nous raconter un petit peu tout ça plus en détail, vous vouliez nous parler d'un projet de loi actuel ? Oui. Et des états généraux aussi qui ont eu lieu sur Montpellier ? Alors, le projet de loi, il va être déposé au cours du mois de février. Il sera débattu à partir d'avril au niveau de l'Assemblée générale et du Sénat. Ce projet de loi dont, vient après une réforme de l'asile qui a été effectuée en 2015 et qui déjà avait modifié pas mal, avait restreint pas mal de droits par rapport à ce qui existait avant. Là, on affiche clairement un discours très généreux en disant, de toute façon, l'intérêt des demandeurs d'asile, c'est que leur demande soit traitée le plus rapidement possible, c'est qu'ils aient un accueil digne de ce nom, etc., etc. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une volonté de tri systématique entre les bons migrants et les mauvais migrants, c'est-à-dire les migrants économiques et les migrants qui ont fui des guerres. Alors ça, ce sont les bons migrants. Mais ceux qui viennent de pays où je pense notamment à la Guinée, hein, parce qu'à Montpellier, on a beaucoup de Guinéens. C'est un pays où les jeunes sont désespérés, hein, ne trouvent pas de travail, avec un régime qui est chaotique depuis des années. C'est quand même une ancienne colonie française. On a aussi une responsabilité dans tout ça, quelque part. Malheureusement, ce sont des gens qui parlent français, la plupart, hein, et donc qui veulent venir en France parce qu'ils ont des attaches avec la France. Et ceux-là, on va les renvoyer en Italie où ils ne parlent pas un mot, seulement au nom du règlement Dublin. Donc il y a ce tri. Il y a un rallongement des délais de rétention dans les centres de rétention. Actuellement, c'est 45 jours maximum. On veut le doubler, passer à 90 jours, alors qu'il est reconnu par tout le monde que finalement, si la personne reste plus d'une dizaine de jours, de toute façon, on le relâchera et il sortira de rétention. Chose, ouais. Ça ne va pas changer grand-chose. Mmh. C'est simplement un affichage. Après, il y a des mesures aussi au niveau des recours, des temps de recours qui vont être raccourcis et donc qui ne permettront pas justement d'organiser une défense de ces demandeurs d'asile dans de bonnes conditions avec des avocats spécialisés, etc. Donc voilà, toutes les portes se rétrécissent ou se ferment carrément de manière à ce que ce droit d'asile qui faisait partie voilà, des valeurs de la France, malheureusement, s'estompe. Oui. Et d'ailleurs, il y a aussi une volonté, on l'entend aujourd'hui, alors après, c'est souvent des annonces politiques, hein, mais on entend aussi une volonté aujourd'hui du ministère de l'Intérieur de renvoyer, de mettre la priorité sur le renvoi des personnes qui ont ce qu'on appelle une obligation de quitter le territoire français. Qui va être assorti d'ailleurs dans la réforme d'interdiction de retour sur le territoire français, des IRTF. Hein, est-ce que vous faites un petit point juste sur ce qu'on appelle des OQTF, obligation de quitter le territoire ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, bref ? L'obligation de quitter le territoire, elle tombe systématiquement, on va dire, après le refus de la demande d'asile, c'est-à-dire lorsque la demande est passée devant l'OFPRA et devant la CNDA, qui est la juridiction de recours, qui est une véritable juridiction. Ils sont à Paris, d'ailleurs. Les deux sont à Paris. D'accord. Voilà. Et donc, un mois après la décision de la CNDA, théoriquement, il y a une OQTF qui tombe. Et à partir de la date de l'OQTF, la personne a en général un mois pour partir. Donc il est important de savoir quand même qu'on ne peut pas renvoyer des gens dans leur pays comme ça sans l'accord du pays en question. C'est-à-dire quand on leur demande, s'ils disent « Ah ben non, celui-là, je ne le connais pas », il n'est pas du tout, ivoirien ou guinéen ou soudanais, non, voilà. C'est pas si simple. Et il faut, si la personne refuse, il faut aussi mobiliser des forces de police. Alors, je ne vous cache pas qu'on les a quand même bien réduites au cours des dernières années. Donc on ne peut pas à la fois tenir un discours et ne pas reconnaître qu'on n'a pas les moyens de l'appliquer. Oui, et puis il y a aussi un aspect là-dedans, c'est que ce qui est aussi paradoxal là-dedans, c'est que le temps que toutes les personnes fassent leur demande, ça fait que... du moment où elle arrive sur le territoire français au moment où elle va avoir son OQTF, il s'est peut-être passé plusieurs mois où la personne a créé des liens sur place. Où il y a aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est compliqué. Les personnes ne veulent pas forcément revenir dans leur pays. Et du coup, on se retrouve dans des impasses avec des gens qui sont dans les rues et qui ont une obligation de quitter le territoire français, qui, au moindre contrôle, peuvent se retrouver du coup ensuite en garde à vue ou des choses comme ça. Et c'est des personnes qui se retrouvent dans un impasse sur le territoire, qui ont aussi créé du lien. Et puis, effectivement, c'est un effet politique de dire on va mettre tous les moyens qu'il faut pour envoyer les personnes qui ont l'obligation de quitter le territoire, parce que c'est pas possible. Mais c'est aussi dans cet esprit de dire plus vite on arrivera à les renvoyer, moins ils ont réussi à créer de liens sur place, et donc ce sera sera plus facile de pouvoir les renvoyer chez eux. On peut passer directement à Abbas pour nous parler un petit peu de ton parcours et de nous dire concrètement comment pour toi ça s'est passé. Donc bah déjà, d'où viens-tu, Abbas, et pourquoi tu as quitté ton pays d'origine? Moi, je viens du Congo, la République démocratique du Congo. Et pourquoi de quitter mon pays? Premièrement, moi, je me suis pas réveillé un bon jour, fermé mes valises, me dire que non, je vais en France. Non, c'est parce que j'ai été persécuté, j'ai été maltraité, torturé. Parce que je viens d'un village où il y a des massacres à tout moment, il y a tous les jours. Donc, à chaque fois, il y a des massacres dans un village de l'est du pays, Motaroulé. À part ça, je viens d'une famille où mon papa vient d'une ethnie et ma maman aussi vient d'une autre ethnie. Donc, mon papa vient de ce qu'on appelle le Banyamulenge, on a les Tutsi congolais. Et ma maman vient des Bafulero. Entre les deux ethnies, il y a toujours des conflits, il y a toujours des tueries. Les conflits de terre, des conflits des pouvoirs, tout, les gens s'entretuent à tout moment. Il y a les gouvernements qui voient tout ça, il y a la MONUSCO, il y a la communauté internationale, il y a les droits de l'homme, il y a la FARDC qui voit tout ça, et il n'y a personne qui réagit, qui parle au nom de ou soit de Banyamulenge ou soit de Bafulero. Non, il n'y a personne qui intervient. C'est pour dire que non, donc les Tutsi congolais sont mal vus, sont maltraités partout en RDC. Parce qu'ils ne sont pas originaires du Congo. Ils viennent de l'autre côté, ils viennent du Rwanda. Ils ne sont pas acceptés au Rwanda, ils ne sont pas non plus acceptés au Congo. Bon, personnellement, moi je me pose la question, ils ne sont pas acceptés, et le Congo et le Rwanda, c'est pas où vont partir ces gens. Ils vont aller où? Parce que... avec ce qui se passe actuellement, même à l'heure où je vous parle, il y a la guerre qui se passe à l'est, donc dans le territoire de Fizi. Il y a la guerre pour combattre les Banyamulenge, il y a les peuples Bembe qui combattent toujours les Banyamulenge, en train de les massacrer, vous venez arracher la terre, vous venez nous voler nos vaches, des trucs comme ça. Donc c'est un peu dur. Bon, moi j'étais capturé, j'étais par des milices dans mon village. Et ils m'ont ramené dans la forêt, me torturé, j'ai eu à m'enfuir jusqu'à ce que j'ai passé par le Sud-Soudan, et j'ai passé par le Sud-Soudan dans le Darfour, j'ai traversé le Darfour à pied, moi. Je l'ai fait, comme l'a dit madame, le parcours d'un homme, le parcours d'un combattant, je l'ai fait, moi. Et... parce que du coup, tu t'es échappé quand tu t'es fait capturer, c'est oui, ça? Oui, j'ai été échappé avec des blessures, avec des douleurs. Mais je me suis quand même, comme j'avais encore la force du cœur, je me suis donné et passé par le nord Kivu, le sud Kivu, et le sud Kivu, le nord Kivu, et puis le sud Soudan, jusqu'à prendre... les bateaux pour le fleuve Nil, j'ai fait l'Égypte. Et à partir de l'Égypte, les bateaux jusqu'en Italie. C'était un peu vraiment dit, c'est pas évident, c'est l'enfer. Je vais vous dire que non, c'était vraiment l'enfer. C'est trop dur. Et combien de temps il t'a pris ce voyage? Le voyage, en fait, j'ai fait une année et demie. Un an et demi pour faire ce voyage? Oui, un an et demi pour arriver en France. Et quand tu es parti comme ça, tu savais que c'était pour aller en Europe? Est-ce que tu avais ciblé la France en particulier, ou tu avais une idée précise d'où tu voulais aller? Je n'avais ciblé aucun pays. J'étais comme de l'air. Je partais juste pour sauver la peau. Mmh. Et pour sauver ma vie, je me disais que non, je m'en vais partout, je vais me sentir en paix, je vais me sentir en sécurité. Et j'ai pris le Sud-Soudan, et je ne savais donc, je n'avais rien dans la tête avec ce que j'ai subi, avec des tortures que j'ai connues. Je n'avais pas à penser que non, moi, je vais aller en Europe. Parce que moi, je me disais, aller en Europe, je vais me dire, aller en Europe, chez qui? Je n'ai pas de moyens. Je vais aller en Europe, je n'ai pas de connaissances, je n'ai personne en Europe. Je vais aller faire quoi? En fait, je partais juste pour sauver mon âme. Sauver ta peau. Ouais. Et est-ce que pendant ces un an et demi, comment tu as fait pour vivre, pour manger? Est-ce qu'on t'a aidé? Est-ce que tu as trouvé des gens qui ont pu t'aider sur le chemin? Oui, il y avait des gens de bonne volonté qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont beaucoup, beaucoup vraiment aidé. Et avec la force du cœur, avec le courage que j'ai aussi, et qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Et du coup, alors, Thomas, tu voulais réagir? Oui, je voulais simplement rajouter que c'est particulièrement difficile dans des conditions de torture comme ça, de perdre la trace de sa famille aussi, d'être complètement isolé. Ça a fait perdre tous les repères. Donc c'est pas évident de prendre des décisions, d'avoir une motivation, et que il faut savoir quand même qu'il y a 65 millions de personnes déplacées, c'est-à-dire qui se réfugient en raison de persécutions, de conditions de guerre, de torture comme ça dans le monde, mais il y a 40 millions de personnes qui vont dans une autre région de leur pays, qui arrivent finalement à se stabiliser, 20 millions qui vont en dehors de ces frontières-là, donc dans un autre pays tiers, et 1 million qui arrive en Europe. Donc après, moi, c'est pas la première fois que j'entends des personnes qui disent que la volonté de venir en Europe, ça a été simplement un enchaînement de situations de plus en plus dramatiques parfois, souvent en Libye où il y a un esclavage qui est dramatique, notamment des personnes noires qui viennent d'Afrique plus au sud. Et finalement, donc des conditions aussi pour traverser la Méditerranée qui sont catastrophiques. On entend vraiment des sauvetages in extremis et puis des personnes qui décèdent pendant la traversée. Voilà. Donc je voulais simplement rajouter ça. Abbas, oui, on t'écoute. Ouais. Pour répondre encore à la question que vous m'avez posée, comment est-ce que j'ai trouvé à manger pour survivre. Bon. Pour parler juste de l'Égypte, quand je suis arrivé en Égypte, d'abord un Somalien qui m'a aidé. Et à part ça, je suis allé travailler dans un chantier de marbre où il faisait des carreaux de marbre. Donc c'était vraiment dur. On commençait le travail de 17h jusqu'à 7h du matin pour gagner 70 livres égyptiens, donc moins de 10 dollars, moins de 10 euros. C'était vraiment difficile. Il faut voir comment est-ce qu'on travaille. Donc et après ça, arriver encore dans la mer, ça c'est plus que l'enfer, je peux dire ça. Moi, ça c'était vraiment plus que l'enfer, parce que quand on est arrivé à la plage, c'était à 1h du matin, moi je me souviens. À 1h du matin, ils nous ont amené des petits bateaux là pour monter. Et donc des bateaux, donc normalement deux trois personnes peuvent monter, mais ils nous obligaient de monter 10 personnes. Quand tu dis ils, tu parles de qui? Donc les gens qui font traverser, les passeurs. Et ils nous obligeaient, qu'ils nous disaient que non, montez 10 personnes, sinon si vous ne voulez pas, on va vous arrêter ici, on vous expulse dans le pays avec la peur qu'on avait. Non, revenir encore dans le pays, peut-être on va nous tuer. Donc, moi, personnellement, moi, dans les bateaux, j'étais le seul Congolais. Il y avait d'autres nationalités, il y avait des Somaliens, des Érythréens, des Soudanais, beaucoup. Et moi, je me suis senti, j'étais seul. Donc, je n'avais pas le choix. Mais déterminé, il faut d'abord se jeter dans l'eau plus de 30 mètres ou 40 mètres en nageant. Il faut nager pour aller trouver les petits bateaux. Et après ça, vous montez. Bon, dans les bateaux, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a rien du tout. Jusqu'à ce que dans les trucs, dans notre bateau, il y avait plus de 5-6 personnes qui étaient mortes. Et puis on disait que non, s'il y a quelqu'un qui est parti, qui est mort, il faut attendre la nuit pour le jeter dans l'eau. Ceux qui avaient de cœur dire, moi j'ai aussi participé. Ceux qui avaient de cœur dire, ils prenaient des gens et dans la nuit, ceux qui ont de cœur sensible dorment, on prend la personne, on jette dans l'eau et puis on continue le voyage. On n'a pas à manger, on n'a pas à boire. Moi, je me souviens un jour où il y avait la pluie. On a levé, il n'y a pas de récipient pour mettre, il n'y a pas de gobelet pour boire de l'eau. On prenait des oranges, non, des citrons, des petits citrons là, et du sucre. On prend l'eau de la mer, on mélange pour enlever la saveur. On mélange ça et puis on buvait ça. Et puis quand il y a la pluie, on enlève des t-shirts, ouais, on étale ça, on buvait donc. C'était vraiment difficile, c'était vraiment difficile. Et il a duré combien de temps ton voyage en mer? Mon voyage dans la mer a duré 10 jours. D'accord. Ouais. Mais merci en tout cas de faire part de ton témoignage. Je pense que c'est ça éclaircit les choses pour tout le monde. Merci. Avant de parler après ensuite... si, j'avais une question encore. Du coup, quand tu es arrivé en France, comment ça s'est passé pour toi? On parlera tout à l'heure un petit peu des CADA, mais parle-nous un petit peu de ton arrivée en France. Quand je suis arrivé, donc... À quoi tu as pu avoir droit? Comment ça s'est passé? En fait, oui, si, j'ai eu droit à... J'ai bien mangé, j'ai trouvé à mes Tu as rencontré des associations? Des associations, qui, ouais. Oui. Et comme c'est l'association qui m'a accueilli, premièrement, c'était Médecins du Monde. Mm-hmm. Après Médecins du Monde, je suis allé. Samy m'a accueilli. Tu as pu être hébergé assez rapidement? Oui, assez rapidement. Et puis je suis allé CHRS, à Reguin, et puis dans le CADA où je suis jusqu'à présent. D'accord. Ouais. Mais merci beaucoup en tout cas Abbas de venir aujourd'hui livrer ton témoignage, parce que c'est pas simple, mais en même temps voilà, ton témoignage au moins c'est vrai quoi. Merci. On va se faire une petite pause musicale pour ensuite revenir sur la dernière partie de l'émission et parler un peu plus dans le détail de qu'est-ce que c'est qu'un centre d'accueil et de demandeurs d'asile et de ce qui s'y passe au quotidien. En attendant, on va écouter Radio Babel avec le morceau « La vie est une aventure ». Donc on se retrouve dans la dernière partie de l'émission de l'association La Boussole, toujours sur Radio Clapas, 93.5 FM. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur le site de radioclapas.fr. Donc pour cette dernière partie d'émission, on va parler un petit peu plus des CADA en détail. Qu'est-ce que c'est qu'un CADA, un centre d'accueil et de demandeurs d'asile? Et donc on a notamment Madame Decoux qui est chef de service au CADA de l'Astrolab, de l'association Adage. Est-ce que voilà, vous pouvez nous présenter un petit peu ce dispositif, ces missions, et ensuite on verra avec Abbas et Thomas sur qu'est-ce que c'est le quotidien dans un CADA. Alors, oui, donc je vais vous expliquer ce qu'est un CADA, mais avant, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de dispositifs, il n'y a pas que le CADA. Le CADA étant peut-être le plus ancien et celui qui donne le plus de droits aux demandeurs d'asile. Mais il y a ce qu'on appelle les CAO, les centres d'accueil et d'orientation, qui ont été créés pour désengorger Calais il n'y a pas très longtemps. Il y a encore plus récemment les CAES qui viennent d'émerger là, en janvier, qui sont les centres d'accueil et d'évaluation sociale. Il y a les UDA, HUDA, hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Il y a les ATSA, accueil temporaire, je ne sais plus ce qu'est l'ES, asile. Il y a les PRADA aussi, qui sont assez récentes. Donc voilà, il y a quand même une multitude de dispositifs. Au-delà du CADA. Au-delà du CADA. Donc en ce qui concerne le CADA, donc le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il existe depuis une circulaire de 91 qui a créé donc les CADA, qui étaient anciennement des CHRS. Au départ, il y avait juste les centres d'hébergement et de réinsertion sociale qui accueillaient aussi des demandeurs d'asile, ou a été à Abbas dans un premier temps. Et puis maintenant, il y a des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, donc spécialisés vraiment demandeurs d'asile. Le nombre de places de CADA, de lieux d'accueil pour demandeurs d'asile, donc tout dispositif confondu, est de 54 145 en France, donc en 2016, je crois que c'est 2016, 2017, on n'a pas les chiffres encore. Sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il y avait 100 000 demandes d'asile, donc évidemment, toutes les personnes ne peuvent pas être hébergées ni en CADA, ni sur aucun de ces dispositifs. On compte que sur les 35 000 nouveaux demandeurs d'asile accueillis en 2016, il n'y en a que 51% du flux de ces primo-arrivants qui ont pu être hébergés. Donc il y en a quand même encore beaucoup qui n'ont pas de place. Voilà. Et du coup, vous, le rôle du CADA, c'est en gros d'accueillir la personne pendant qu'on traite sa demande d'asile ? Alors voilà, le rôle du CADA, les missions sont fixées par décret. Il y en a quatre. C'est l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile pendant la durée de la procédure, l'accompagnement administratif, social et sanitaire, l'aide à la scolarisation des enfants et à la mise en relation avec les services et activités offertes sur le territoire. Et la quatrième mission la plus difficile, la gestion des sorties. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est-à-dire que à partir du moment où la personne, si elle a un refus, donc une obligation de quitter le territoire, elle doit quitter le CADA. Alors dans les deux cas, si elle a un refus, elle doit quitter le CADA au bout d'un mois. D'accord. Et si elle obtient la protection, donc elle obtient le statut de réfugié, elle doit quitter le CADA au bout de 3 mois. Donc, c'est-à-dire rentrer, une fois que les personnes sont réfugiées, là, ils obtiennent tous les droits comme un Français lambda. Mm-hmm. Mais ils ont 3 mois pour trouver un logement, un emploi, etc., etc. Qui parle français ou pas, enfin bon, c'est quand même très rapide. Bon, c'est 3 mois renouvelables une fois. Qui se charge de faire sortir les personnes qui ont un refus ? Alors concrètement, c'est pas les associations qui se chargent, c'est-à-dire que nous, on a un CADA de 240 personnes en demande d'asile. Il y a plusieurs CADA sur Montpellier. Il y a 3 CADA sur Montpellier. Il y a une cinquantaine, nous on est sur des appartements, ce qu'on appelle en diffus, donc une cinquantaine d'appartements répartis sur tout le territoire. En colocation, la plupart. D'accord. La plupart, donc tous sur Montpellier. Et donc, voilà, c'est pas nous qui venons sortir les personnes manu militari. Donc, comme expliquait Madame Dubourg, voilà, on leur dit que maintenant qu'ils sont plus en demande d'asile, qu'ils soient réfugiés ou pas, il faut qu'ils sortent du CADA. Certains trouvent des solutions. On les aide, évidemment, à essayer de trouver particulièrement d'autres solutions, ouais. Réfugiés. Normalement, voilà, il y a quand même des accords pour l'hébergement, entre autres. Et puis ouvrir les droits classiques. Mais après, c'est compliqué. C'est compliqué, effectivement. Oui, parce qu'il y a aussi la question de... On n'a pas parlé, mais la scolarisation aussi des enfants. Quand un enfant va être scolarisé, mais que son père va avoir une obligation de quitter le territoire, par exemple, on ne va pas pouvoir exclure l'enfant qui est à l'école, mais le parent qui va avoir son... Enfin, je ne sais pas si je suis très clair, Oui, mais... Si. Mais Si, oui, alors la scolarisation, donc c'est, ça fait partie des missions. Et bon, après, effectivement, s'il y a une OQTF, c'est pas le CADA qui s'en occupe, ça. D'accord. Et au niveau de la vie un peu du quotidien dans le CADA, ah bah, c'est ce que tu voulais ajouter, oui, quelque chose. Oui, je voulais juste rajouter qu'il y a quand même, il faut savoir qu'on parle de personnes, il y a quand même 70%, ce sont des familles aussi, donc mm-hmm. effectivement, scolarisation, etc. Et qu'après, un CADA qui est donc le mieux doté de tous ces dispositifs a une personne salariée pour doit s'occuper de 15 personnes en D'accord. demande d'asile. Voilà, qu'on voit concrètement ce qu'il voir en est, voire même un peu plus, voire, voilà. En regardant Thomas. Le taux d'encadrement officiel, c'est 1 pour 15. 1 voilà. pour 15 dont officiel. Dont 50% de travailleurs sociaux donc sur une équipe. Sachant que ça mutualise donc le secrétariat, la logistique, etc. Donc finalement, un référent social doit s'occuper d'une trentaine de personnes en demande d'asile sur le CADA, sur toutes ces missions-là. Oui. Donc, ça... Et du coup, concrètement, toi, Thomas, en tant que travailleur social en CADA, quel est ton travail au quotidien? Et on reviendra ensuite avec Abbas sur comment lui vit les choses aussi. Oui, donc concrètement, bon, moi, ça fait 15 ans que je travaille en CADA, et au niveau de l'accompagnement, c'est déjà une mise à l'abri, comme on disait tout à l'heure. Donc les personnes peuvent être à la rue, à l'hôtel, ou parfois dans des CHRS, des dispositifs qui ne sont pas complètement adaptés. Donc cette mise à l'abri dans des appartements diffus, donc ça, c'est la mission première des CADA. Par contre, c'est vrai que c'est vraiment conditionné à la procédure de demande d'asile, qui dure... Moi, je dirais une moyenne de 1 an. Voilà. Après, il y a des procédures qui durent plus longtemps, des procédures qui sont accélérées selon les pays d'où viennent les personnes. Mais donc c'est vraiment la sensation des personnes qui sont en demande d'asile, c'est quand même être entre parenthèses, ce qu'on entendait dans le micro-trottoir au début. On n'entendait pas vraiment l'issue complète. En fait, on ne sait pas. Comme on a dit au début, il y a 36% de statut de réfugié, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a des nationalités comme les Afghans qui ont 83% de statut, les Syriens 95%, voilà, les Albanais, il y a 6,5% de statut. Donc, vous travaillez dans une incertitude, quoi. C'est ça. Et donc, ça amène beaucoup d'angoisse. Donc, cette angoisse, ça permet parfois pas à des personnes de s'inscrire vraiment dans une insertion, ou en tout cas des activités qu'on pourrait proposer. Bon, ça peut être des cours de français, ça peut être voilà, des activités culturelles, etc. Mais tout ça, c'est plutôt de l'occupationnel, on va dire, puisque les personnes n'ont pas l'autorisation à travailler. Donc, comment s'inscrire sur un territoire, sachant qu'elles ne sont... c'est, l'issue est très incertaine. C'est toute la question. Voilà, c'est tout votre rôle, entre autres. Donc pendant cette période-là, on essaie... Bon, alors, les angoisses, elles sont aussi liées au fait qu'il y ait de la séparation avec d'autres membres de famille, souvent des personnes qui se sont perdues pendant le parcours migratoire. Surtout sur le fait qu'il y a eu des persécutions dans le pays d'origine, et la chose qui n'est pas prise en compte dans le cas de la demande d'asile, des persécutions qui sont aussi vécues pendant le parcours migratoire, comme on disait tout à l'heure, en Libye ou ailleurs. Par contre, donc, c'est des personnes qui peuvent être assez fragilisées, et malgré tout, on voit qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de ressources et qui vont proposer de participer à des émissions radio, de faire des activités jardin ou cuisine, ou voilà, enfin il y a tout un tas de choses comme ça qui sont mises en place. Voilà, donc au niveau de la santé aussi, on fait pas mal d'orientations vers des psys, vers voilà. Et il y a des droits CMU qui sont ouverts, ouais. Qui sont ouverts, voilà, qui permettent de se soigner. CMU, voilà, qui permet de se soigner gratuitement. Sous conditions de ressources. Donc oui, on comprend bien le côté à la fois essayer d'impliquer les personnes, mais en même temps de leur dire que on n'est pas sûr qu'ils puissent rester, quoi. D'avoir ce double discours un petit peu, quoi. Tout à fait, ouais. Et le fond, si les personnes sont venues là, donc c'est pas de leur plein gré, comme on entendait tout à l'heure, parfois elles sont poussées à fuir, de toute façon c'est vraiment pour sauver leur vie, c'est un enchaînement de situations. Et donc, ce qui est très compliqué, c'est comment prouver ça à l'OFPRA et à la CNDA. Parce que donc, des personnes qui partent précipitamment doivent justifier d'un maximum de preuves. avec des sources vérifiables, donc si possible, des articles de journaux, des choses qui parlent d'eux. Mais si c'est des personnes qui viennent d'un petit village ou quoi, ben c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et c'est surtout sur la véracité des faits va être vérifiée à travers un discours cohérent. Ce discours cohérent, c'est pas évident quand c'est des personnes, bon, d'une part qui parlent pas la langue, qui ont d'autres codes culturels, d'autres valeurs, etc. Mais aussi qui ont des traumas et du coup des fois des troubles de la mémoire, des repères spatio-temporels. Donc voilà, il faut mettre tout ça en forme. C'est aussi le travail des CADA de travailler le récit pour les dossiers OFPRA et le lien avec les avocats pour les compléments de recours. Merci. Merci beaucoup. Et donc toi, Abbas, un petit peu en dernier point, comment tu peux nous parler un peu de la vie en CADA ? La vie en CADA, c'est un peu compliqué, mais ça se passe bien dans l'appartement. Bon, donc toi, tu es en colocation avec d'autres personnes ? Oui, je suis en colocation avec des gens, mais on essaie de se supporter des caprices, et on essaie parce qu'on se voit que non, on n'est pas chez nous, on vient de se raconter chacun son éducation, donc on essaie vraiment de vivre bien. Et tu rencontres régulièrement Thomas un peu pour faire des démarches ou participer à des activités comme aujourd'hui par exemple ? Oui, on se voit de temps en temps, et c'est quelqu'un qui a pas mal de connaissances sur les sujets d'asile. Il a vraiment des connaissances, il essaie un peu de m'aider beaucoup, et il a été toujours là pour moi. Bon. Ouais. Eh bien écoute, on te souhaite que ça aille jusqu'au bout, que tes demandes aboutissent. Avant de terminer cette émission, je voulais faire un petit point avec Mme Dubourg pour nous présenter un petit peu. On aurait beaucoup de choses à dire dans cette émission. On vous invite aussi, il y a sûrement des choses qu'on a survolées, mais on vous invite aussi à aller vous renseigner sur Internet, sur ce qui peut exister, à nous contacter aussi si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations. Hein, je vous rappelle, sur le site de Radio Clapas, .fr. Voilà, n'hésitez pas. Mais on voulait faire un dernier petit point sur la CIMAD, qui est quand même une association assez importante en France. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur cette association avant qu'on se quitte ? Oui, tout à fait. Moi, je voulais simplement insister sur le fait que les demandeurs d'asile qui sont en CADA sont les plus chanceux, hein, parce que par rapport aux autres types d'hébergement, notamment au PRADA, dont on n'a pas parlé, on n'a pas le temps, mais enfin là, c'est vraiment un centre de pré-expulsion, on va dire, hein, où on met quasiment, enfin il y en a d'autres, mais les Dublinés, à partir du moment où ils sont assignés à résidence, ils sont au PRADA, donc ils savent ce qui les attend. Bon, la CIMAD va avoir bientôt 80 ans, donc effectivement, ça fait longtemps qu'elle accompagne les populations migrantes. Ce que je voulais dire, c'est que à côté des travailleurs sociaux qui, eux, dans leur mission, doivent accompagner les demandeurs d'asile en CADA, il y a tous les autres. Et donc la CIMAD aide tous les autres. Enfin, pas tous, évidemment, parce qu'on ne pourrait pas. Mais enfin, on intervient justement pour pallier l'insuffisance de place et d'accompagnement des demandeurs d'asile. C'est-à-dire qu'on les aide à faire leur récit OFPRA, on les aide à faire leur recours à la CNDA, et puis on les accompagne tout au long du parcours de demande d'asile. Donc ça, c'est une des activités de la CIMAD à Montpellier. Mais il y a aussi l'accueil juridique de tous les étrangers qui veulent régulariser leur situation, la faire évoluer, etc. Il y a beaucoup de cours de français. Il y a des partenariats avec les Amoureux au Bon Public qui s'occupent des couples franco-étrangers. Il y a un partenariat avec RESF, le réseau Éducation sans frontières, qui, là, suit les enfants, justement, de familles exilées pour veiller à ce qu'ils soient scolarisés et à ce que leur droit fondamental à l'enseignement et à l'éducation soit respecté. Voilà, donc tout ça, ce sont des activités. C'est relativement vaste. Voilà. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site de la CIMAD. Voilà. Et la CIMAD à Montpellier, c'est 28 rue du Faubourg-Boutonnet. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes ces informations-là. On arrive sur la fin de l'émission, donc voilà, comme on disait, on aurait pu parler de beaucoup de choses. J'espère qu'on a pu vous apporter un peu plus d'éléments sur la question des demandeurs d'asile. Je voulais remercier particulièrement Abbas d'être venu dans nos studios ce matin et nous raconter son récit. Je voulais remercier aussi du coup Madame Dubourg de la CIMAD aussi d'être présent. Merci à vous. Merci à Madame Decoux aussi, la chef de service du CADA, et à Thomas aussi, le travailleur social du CADA. On espère que voilà, on a pu vous apporter quelques éléments pour vous faire une vision un peu plus claire des demandeurs d'asile. Donc vous pourrez retrouver cette émission durant tout le mois de février. On remercie encore Radio Clapas de nous accueillir sur son antenne 93.5. Et nous, on se retrouve le mois prochain. Merci pour tout. À bientôt. Merci.